de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Samedi 24 novembre 2012, aujourd'hui à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec, j'aurai un entretien avec Dominique Bernier de l'organisme Les Amis de la Terre en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Robert Jasmin en deuxième partie d'émission. Bonjour à tous, c'est Michel Lemonnette qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. Le Grain de Sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs dans le monde. Tout ceci réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières, Attaque Québec. Alors, donc, Dominique Bernier de l'organisme Les Amis de la Terre est avec nous en studio. J'aurai un entretien avec elle après cette pause musicale. Sur le désert qui marche, sur la forêt que l'on abat, écrit sur chaque coup de hache, sur chaque oiseau que l'on foudroie, sur tous les fleuves empoisonnés, cette planète désincarnée, je te décris dans le vent, écrit ta vie et tes élans. Écris, écris tout le temps sur le sable et même sur l'eau. Écris pour ne pas sombrer et traverser les océans. Écris pour vaincre les mensonges, les mots de haine qui nous rongent. Écris pour ceux qui ne savent pas, dont le silence est la seule voix. Écris, écris. Écris pour celle que l'on bat, pour celui qui ne mange pas, pour ceux qu'on force à se taire par le feu ou bien par le fer. Écris sur le mur des ghettos, écris pour scier les barreaux, pour les mains qui ne peuvent plus, pour ceux qu'on traque ou que l'on tue, au nom de Dieu ou de la loi, à qui on a tranché les doigts. Écris. Écris pour aller bien plus loin que les frontières, que les races, pour parler de ceux qu'on menace, qu'on enferme pour leurs écrits, qui parlent haut, qui parlent fort, bien au-dessus des bruits de la mort. Écris. Écris, écris à bout portant, écris ta vie et tes 20 ans, écris sur les drapeaux. C'était Richard Séguin, écrit, écrit, écrit. Je pense qu'on a envie, d'écrire ces temps-ci pour, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Dominique Bernier, bonjour. Bonjour. Alors, il y a tellement de choses qui se passent et qu'on aurait le goût de corriger, mais bon, heureusement qu'il y a des organismes comme les Amis de la Terre qui interviennent et qui tentent justement, de corriger certains problèmes. On fait notre possible. L'environnement, la société. Oui, vous faites votre possible, tout à fait. Quand on arrive sur votre site, atquebec.org, pour les gens qui veulent le visiter, on lit ce qui suit. Depuis 1978, pour la construction collective d'une société écologiste, par la réflexion, l'éducation, la défense des droits et le développement d'alternatives. J'ai envie que nous commencions par la réflexion, mais d'abord, rappelez-nous ce que sont les Amis de la Terre. Oui, en fait, les Amis de la Terre, ben, c'est un organisme écologiste, c'est-à-dire que c'est un collectif autogéré qui est dirigé par les membres activement. Et En le fond, on se penche, comme vous l'avez dit un peu, on a trois volets principaux. On a l'éducation populaire autonome, l'éducation relative à l'environnement et la défense collective des droits. Donc, comme écologiste, on allie, contrairement aux organismes environnementaux, par exemple, on allie toute la dimension sociale à la dimension de l'environnement. C'est ce qui fait notre particularité. Et on est un organisme là, qui essaie de s'attaquer, de s'attaquer, c'est un grand mot, mais qui essaie de contrer les causes sous-jacentes des problèmes qu'on vit. Là. On essaie d'agir en amont. Agir en amont, oui, effectivement, c'est tellement ce qu'il faut faire. Vous êtes présent comme organisation, vous êtes présente dans plusieurs pays, si j'ai bien lu. Oui, c'est un réseau international, les Amis de la Terre. On en trouve dans plusieurs pays arabes, en Europe, aux États-Unis, au Canada anglais et en Amérique du Sud aussi. Il y a énormément de groupes des Amis de la Terre, mais ce sont tous des collectifs indépendants. Un peu comme ATTAC. ATTAC, c'est un peu le même principe, c'est ça? Oui. Oui. Chacun est autonome dans voilà. son... Voilà, oui. Mm-hmm. Quel est votre rôle aux Amis de la Terre? Ben, je suis organisatrice communautaire et je suis principalement responsable du comité agriculture et alimentation. Je m'occupe aussi de tout l'aspect accords internationaux, c'est-à-dire la mondialisation au sens large des traités de libre-échange plus précisément. Et je m'occupe aussi de la question, je suis aussi le dossier des SLAP, les poursuites Bayon qu'on appelle. Ça, c'est un dossier dont je m'occupe. OK, parce que vous avez été touché ou parce que vous êtes susceptible d'être touché? On a déjà été victime d'un SLAP, les Amis de la Terre, avant mon arrivée. Dans l'organisme, mais effectivement, on a été victime d'une poursuite qui s'est réglée finalement. On a eu gain de cause, mais on a quand même perdu des plumes un petit peu à l'époque. Mais en fait, on a suivi une formation, j'ai suivi une formation sur la question qui a été lancée par le Réseau québécois des groupes écologistes. Et puis, dans le fond, ça fait un peu de moins une personne ressource dans la région de Québec en matière de poursuite Bayon. Oui. Il y a l'agriculture urbaine aussi qui est un sujet intéressant de ces temps-ci qui est très d'actualité. Vous vous occupez de cet aspect-là des choses, si j'ai bien compris. Oui, l'agriculture urbaine au sens large, mais plus particulièrement certains projets, comme on est très impliqué dans le projet Valorisons SMA, qui vise à conserver une partie des terres des Sœurs de la Charité, les anciennes terres des Sœurs de la Charité qui se trouvent près du terminus Beauport, devant l'hôpital Robert Gifford, pour en faire un parc urbain qui servirait de jardin collectif, jardin communautaire, parc fruitier et en même temps d'espace là, de mise en valeur du patrimoine historique légué par les sœurs. Oui, ouais, c'est assez... On se heurte à une fin de non-recevoir part de la Ville de Québec, par contre, dans ce dossier-là. Qui préfère le développement immobilier, si j'ai bien compris, c'est oui, ça? Oui, ils veulent en faire un parc technologique, effectivement. Un parc technologique? Mm-hmm. Oui. Mais et ça en est où, présentement? Ben là, actuellement, on entreprend des démarches avec divers producteurs de la région dans le but de contrer un peu la spéculation qui se fait sur les terres agricoles qui nous restent en ville et autour de la ville. Il y a énormément de spéculation. Il y a une série d'articles qui ont été publiés par Claudette Sanson dans Le Soleil qui faisait état du fait que les terres agricoles sont achetées actuellement par des courtiers en valeur, des courtiers immobiliers. Oui, j'ai vu passer, oui. Et sont achetés à 15 fois leur valeur dans certains cas. On comprend que pour des producteurs agricoles qui voudraient les cultiver, c'est pas possible d'acheter ça à ce prix-là. Non. Ça deviendrait pas rentable là, pour une production agricole. Alors, c'est un problème sur lequel on travaille. On est en train de développer un projet en collaboration avec plusieurs autres groupes de la région qui vise la mise en place d'une ceinture verte à Québec. C'est-à-dire un réseau là, bien établi qui vise à protéger le territoire agricole et les milieux naturels et à faire en sorte qu'il y ait une trame verte bien présente, que les gens aient accès, puis que ça favorise aussi également la souveraineté alimentaire à l'échelle locale. Moi qui fais du vélo l'été, j'en reviens pas qu'on puisse pas faire le tour de... En tout cas, c'est un très beau projet, effectivement. Il faudrait y venir. Venons-en au volet réflexion. Comment se fait le volet réflexion aux Amis de la Terre? Bien, comme on est un collectif qui fonctionne par la base, on a vraiment une dimension qu'on cherche à à travailler toujours un peu plus, c'est celle de l'inclusion. Donc, on essaie d'offrir des espaces à nos membres le plus possible pour qu'ils puissent alimenter la réflexion au sujet de visant à favoriser l'émergence de notre projet, qui est une société écologiste. Oui. Alors, ça se fait principalement par le biais des différents comités thématiques, comme celui dont je m'occupe, agriculture et alimentation. On en a d'autres. On a le comité sans fluor, là, qui vise à stopper la fluoration de l'eau potable au Québec. Oui, vieux débat. Oui, vieux débat. Il est encore d'actualité, malheureusement. On a aussi le comité eau qui s'occupe de toute la question de la protection de l'eau puis de lutter contre la privatisation des services d'eau potable aussi. Puis, on a le comité zéro déchet qui travaille activement à essayer de faire fermer notre super incinérateur dans ce quartier-ci. Ouais. Vous en recevez les effluves parfois. On a reçu le producteur du film La Poubelle Province et on en parlait avec lui justement. D'accord. De M. Blacquer, de ce problème de l'incinérateur. Voilà. Le comité zéro déchet. Donc vous développez une réflexion sur différents dossiers qui vont éventuellement vous permettre de faire des interventions publiques, c'est ça? C'est exactement ça. Ou d'alimenter le volet éducatif, j'imagine? Oui, ça dépend des cas, mais dans certains cas, effectivement, ça nous amène à mener une action plus politique. D'autres cas, ça va être des actions plus d'éducation populaire autonome. Donc, la réflexion alimente les autres volets, les autres missions, dans le fond, de notre organisme. Oui, venons-en justement au volet éducation. Vous allez dans les écoles? On fait pas beaucoup d'éducation relative à l'environnement en tant que tel. On a cette année un projet pilote d'atelier sur l'eau embouteillée qui se passe dans les écoles pour sensibiliser les jeunes du secondaire, de secondaire 2, à la question de l'eau embouteillée. Mais c'est le seul aspect éducation relative à l'environnement qu'on fait en ce moment. On agit plutôt en matière d'éducation populaire autonome qui est plus, disons, une réflexion critique sur différents aspects liés à l'écologie. Disons que l'éducation relative à l'environnement, c'est plus de la sensibilisation, alors que l'éducation populaire autonome, c'est plus le développement d'une pensée critique face à ça. Vous la faites où, cette éducation-là? Ben, en fait, on organise de nombreuses conférences. On organise aussi des projections-discussions en collaboration avec la bibliothèque Gabriel Roy. Oui, projette des documentaires sur des sujets liés à l'écologie. On a aussi la publication de notre petit journal d'Azibao que nos membres reçoivent par la poste. On publie une infolettre aussi où on donne plein de... Tout le monde peut s'inscrire. Oui, tout le monde peut s'inscrire à notre infolettre. Okay. Il suffit de nous contacter à info@atquebec.org ou sur notre site web aussi, il y a un bouton pour s'inscrire automatiquement. Oui. Alors, ça, c'est certain des moyens. On publie aussi énormément d'articles dans les journaux, de lettres ouvertes, ce genre de choses-là. Et là, il y a une conférence de M. Larochelle qui s'en vient, qui va porter sur... En fait, le titre, c'est « Dette économique versus dette écologique ». On pourrait résumer ça par comment la terre qu'on va laisser à nos enfants risque de leur peser beaucoup plus que tout l'aspect économique. Oui, la fameuse dette. La fameuse dette de l'État dont on se préoccupe abondamment. Oui. Qui sert d'épouvantail. Oui, ça sert d'épouvantail parfois pour couper dans les programmes sociaux. La dette écologique, ça, c'est quelque chose qui risque de frapper les générations. Ça risque de frapper très fort et actuellement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Oui. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. On gruge dans le capital des ressources de la planète. Les mesures qui sont mises en place sont très timides. Oui, il était question récemment là, de l'augmentation de la température globale. C'est effarant. C'est assez épeurant, là. C'est très épeurant ce qui se passe. On essaie de contrer ça actuellement par la mise en place d'une pseudo-économie verte. Mais nous, on pense que les mécanismes qui ont servi, qui ont causé le problème ne peuvent pas résoudre le problème. Ouais. Nous, on pense qu'il faut changer structurellement notre façon de penser les interventions sur l'environnement. Il faut arrêter de penser en termes d'opportunités économiques et il faut commencer à s'attaquer au problème de façon plus sérieuse en optant en visant la décroissance de notre consommation, la décroissance de nos besoins. Là. Ouais. Parce que actuellement, plus adapté à la capacité, finalement. Voilà, il faut arrêter de gruger dans le capital des ressources de la planète et se contenter des intérêts. Ouais. On n'en est pas là actuellement. Parlez un peu plus de la défense des droits. Oui, la défense collective des droits, ben, en fait, l'éducation populaire autonome nous amène à défendre nos droits. Oui. Quand on prend conscience qu'on a des droits puis qu'ils sont bafoués, ben là, ça nous donne envie, ça va de soi, ça coule de source, ça nous donne envie de les revendiquer, de les défendre. Oui, mais c'est pas tout le monde qui est en mesure de le faire. Non, c'est pas tout le monde, mais il y a certains de nos membres qui sont impliqués activement dans ce volet-là. Tu sais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment plus les choses pratico-pratiques. Il y en a d'autres qui ont envie, qui sont plus militants et qui ont envie de pousser plus loin. À ce moment-là, ben, on participe à de nombreuses mobilisations, on fait énormément de réseautage avec tous les groupes environnementaux et sociaux qui partagent en tout ou en partie nos valeurs. Et puis, on fait de l'action directement auprès aussi des politiciens. On écrit parfois des lettres, on les conseille, on les relance. C'est un travail de longue haleine, mais on essaie de les amener graduellement à considérer notre point de vue, puis on leur propose des choses aussi. On fait pas juste, disons, se plaindre, là. On propose, on offre des alternatives, on offre notre expertise pour les amener à changer, disons, les politiques publiques pour que ça en vienne, disons, à mieux respecter la capacité des écosystèmes et à mieux respecter aussi la capacité des personnes qui sont dans ces écosystèmes. Ben effectivement, ils sont parties prenantes. Les conséquences quand les écosystèmes sont fragilisés. Tout à fait. On sait que la pauvreté, par exemple, est un des facteurs fragilisants là, par rapport à la pollution. D'ailleurs, ce sont les pays les plus pauvres au monde qui risquent de subir le plus l'augmentation de la température. C'est ça qui est... Oui, tout à fait. Puis même pas si loin de nous, on voit qu'ici, même à Québec, les logements les plus abordables qui restent sont dans les quartiers les plus pollués, avec la qualité de l'air la plus médiocre, plus médiocres en Amérique du Nord même. Ah oui? Ah oui, le quartier ici, puis le quartier Limoilou, le quartier Saint-Roch ont une des qualités de l'air les plus médiocres qui soient. Oh. Donc, puis on voit que c'est là il y a des poches de pauvreté. Parce que je demeure dans Saint-Roch. D'accord. on voit que c'est relié, donc ces gens, les gens qui ont des problèmes économiques, ont des difficultés économiques, doivent en plus composer avec des problèmes de santé parfois qui sont liés au milieu de vie. Oui, c'est ça, problèmes de respiration, etc. Voilà. C'est ça. Mm-hmm. Un dernier aspect, c'est le développement d'alternatives. Vous présentez des propositions, vous l'avez dit, des recommandations pratiques aux législateurs, aux médias, au public. Si on prenait un exemple récent, vous avez parlé de l'accord de libre-échange Canada-Chine. On pourrait peut-être en parler? Mm-hmm. Oui, ben, l'accord de libre-échange Canada-Chine, ça nous inquiète beaucoup. Ça nous est tombé dessus un peu sans qu'on s'y attende un peu tous, mais ça doit être la même chose pour vous à Québec. C'était un peu inattendu. Curieux, on apprend toujours ça la dernière minute. Voilà, ça a été glissé dans le dernier budget fédéral, comme si c'était quelque chose de tout petit, alors que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que cet accord-là risque de miner grandement notre démocratie, puisque il est dit dans cet accord-là que le Canada s'engage à protéger et à faire respecter par tous les moyens les intérêts économiques chinois au Canada. Mm. Donc, ça veut dire que si une entreprise, souvent c'est des entreprises d'État en plus en Chine, viennent investir ici dans les sables bitumineux, par exemple, et qu'il y a des protestations, ben le Canada va utiliser les forces de l'ordre contre... il va être obligé... par le traité, d'utiliser les forces de l'ordre contre sa population pour faire respecter le... C'est incroyable. Pour faire taire toute contestation des intérêts chinois au Canada. Donc, c'est du jamais vu. On avait l'accord économique avec l'Europe là, qui nous inquiétait déjà, qui était déjà un précédent parce que ça affaiblit les pouvoirs des municipalités. Et là, on tombe avec pire encore, les bras nous sont tombés quand on a vu ça. Là, on parlait d'alternatives. Oui. On voit là, cette volonté de protéger les investisseurs étrangers, ça serait quoi l'alternative? Oh mon Dieu, ben, l'alternative, ce serait de développer de plus en plus la résilience locale en développant un paquet de... en s'approvisionnant à l'échelle locale pour être de moins en moins dépendant des importations et des exportations. Donc, il faut, en matière d'agronomie, c'est-à-dire d'agriculture, d'alimentation, qui est le sujet que je connais le mieux, ça pourrait se faire en favorisant justement les circuits courts, en créant des liens directs avec les producteurs de la région pour les aider à avoir un marché au niveau local pour qu'eux ne soient plus obligés de vendre le plus gros de leur production à l'extérieur. Mm. S'ils ont un marché ici,

Et comme les marchés financiers ne sont pas rassurés, on leur offre de nouveaux plans d'austérité. C'est un cercle vicieux dans lequel sont pris plusieurs pays européens qui n'arrivent pas à s'en sortir. N'est-ce pas ce qui nous attend au Québec? Le budget québécois a été beaucoup fait dans le but de plaire aux agences de notation. Il faut dire que notre gouvernement n'a pas complètement tort. Une décote par une de ces agences entraîne une hausse du taux d'intérêt, ce qui fait augmenter de façon significative le poids de la dette. Il serait donc essentiel qu'on s'attaque aux problèmes majeurs causés par l'existence de ces agences de notation. Au fait, qui sont-elles, ces agences? Principalement trois grandes compagnies basées à New York, Moody's, Standard & Poor's et Fitch Rating. Elles évaluent la capacité à rembourser les financiers. Pourtant, ces compagnies à qui on accorde tant de pouvoir sont régulièrement en conflit d'intérêts. Elles évaluent les produits de leurs clients. Elles ont fait des erreurs monumentales. Elles ont donné, par exemple, la meilleure évaluation à des produits financiers toxiques. Elles permettent à une poignée de technocrates de New York d'évaluer en toute opacité la dette des pays du monde entier. Elles évaluent selon des critères idéologiques. Les pays ont de bonnes notes lorsqu'ils appliquent des mesures néolibérales et de mauvaises lorsqu'ils s'en éloignent. Elles font clairement de l'ingérence politique. Les États devraient donc prendre des mesures énergiques pour abolir ces agences. Ils pourraient par exemple avoir leurs propres agences qui opéreraient avec transparence sur d'autres critères. Mais revenons au budget du PQ, un budget typique de l'austérité. Coupe dans les dépenses publiques, priorité accordée au remboursement de la dette, équilibre budgétaire, quelques hausses de tarifs dans l'électricité et très peu de mesures significatives de relance. Quelques bonnes mesures toutefois nous rappellent que le PQ se dit de gauche. Pas de hausse de droits de scolarité, mais merci aux étudiants qui se sont battus pour ça avec une énergie remarquable. De nouvelles places en garderie, un nouveau palier d'imposition pour les plus riches, un fonds pour l'électrification des transports. Ce que ce budget nous rappelle surtout, hélas, c'est à quel point notre démocratie est affaiblie, à quel point nos politiciens ne représentent plus les gens qui les ont élus, à quel point ils se soumettent au marché, les véritables maîtres, à quel point ils offrent peu de résilience. Quant à nous, on voit l'immense travail qui nous reste à entreprendre pour restaurer notre démocratie. CKRL 89.1, Québec. Dans le cadre des sommets du cinéma d'animation de Québec, le Ciné-Club Spira Film se transporte au Musée de la Civilisation et présente le long-métrage d'animation « Sita Sings the Blues ». En ouverture, « Aspect de la fausse vie », un court-métrage d'Alexandre Pata. Le réalisateur sera sur place pour discuter avec le public. Rendez-vous au Musée de la Civilisation le 26 novembre à 19h. Présenté en collaboration avec Antitube, le ministère de la Culture et des Communications, Télé-Québec, monlimoilou.com, chez Fratelli, Le Bal du Lézard et CKRL. Plus de détails sur spirafilm.com. Conte de fées coquins. Un spectacle unique présenté le samedi 15 décembre à 19h au Studio P, 280 rue Saint-Joseph-Est. Conte coquins et chansons grivoises, accordéons, verres de vin et desserts cochons offerts par le moine et chansons. Radio diffusée en direct sur les ondes de CKRL de 19h à 20h, les coquineries se poursuivront hors des ondes à 20h. Le plus corsé restera à entendre. Billets en pré-vente sur lesamisimaginaires.ca. Conte de fées coquins, le 15 décembre à 19h, un spectacle présenté par les Amis Imaginaires en collaboration avec le Moine des Chansons, le Studio P et CKRL. Chez Couvre-Plancher McGee et Fils, vous faites affaire avec de vrais professionnels du couvre-plancher. De père en fils, l'entreprise familiale vous offre à la fois de conseils judicieux, une estimation gratuite ainsi qu'un excellent service après-vente. Couvre-Plancher McGee et Fils propose un grand choix de céramique, tapis, prélard, plancher flottant et plancher de bois franc. Également spécialisé dans l'évaluation de couvre-plancher quand vous subissez un sinistre. Couvre-plancher McGee et Fils 3670 Boulevard Amel, 418-683-2383, couvre-plancher-mcgee-et-fils.com. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Tous les matins en semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Le Continental, l'émission du matin à CKRL. Un déjeuner informatif et socioculturel composé d'ingrédients de premier plan. Un réveil tonique et inédit comme à la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli, c'est près de 40 variétés de pain artisanal. Un choix de salade, sandwich et pizza cuite au four à bois. Le tout pour emporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-977-7571. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République Dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. AVJAM, ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. AVJAM offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70, également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. AVJAM, 45 rue Saint-Joseph-Est, 418-559-0875. Jam.com. Nous sommes de retour, vous êtes de retour à l'émission Attaque Québec, à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Robert Jasmin. Bonjour. Robert, vous devez avoir un petit pincement de cœur. Ce matin, c'était l'Assemblée générale annuelle d'Attaque Québec. Vous ne pouviez pas y être. Mais vous avez été vous-même quand même 11 ans jusqu'à l'an passé président d'Attaque Québec. Ce matin, tout juste avant la conférence, je le souligne pour nos auditeurs, il y avait, avant l'Assemblée, il y avait une conférence d'Éric Pinault. C'est une conférence qui portait sur les nouvelles tendances des marchés financiers. C'était fort, ma foi, elle était diffusée donc sur webtv.coop. C'était, ma foi, fort intéressant. Et je vais mettre le lien sur notre blog un peu plus tard dans la journée parce qu'elle va être accessible, elle va être en archive, elle va être accessible. Et j'invite fortement nos auditeurs à écouter cette conférence d'Éric Pinault. Bonne nouvelle. Oui, il y a un lien avec la chronique de cette semaine, là, parce que vous allez nous parler de la situation économique des États-Unis au 15 novembre, quelques jours après la réélection de Barack Obama. On s'imagine que l'économie va bien, tout est repris, les bourses et tout ça, ça va bien, mais ça va pas si bien que ça. Ben, parlons du chômage d'abord. Ben, le chômage, effectivement. Je pense que de ce côté-là, l'optimisme de certains se dissipe assez rapidement. Là. Et quand on dit des chiffres que je vais énoncer ce matin, ces chiffres-là sont, je le répète, du 15 novembre. Donc, c'est très frais. C'est très, très frais. Oui, et puis en même temps, c'est très proche de la réélection d'Obama. Oui. Et ça nous dépeint un peu la situation américaine avec laquelle, le renouveau président doit composer. Nouveau. C'est ça. Alors, justement, sur le front du chômage, depuis quelques semaines, il y a une vague importante de corporations qui annoncent des mises à pied. Juste pour montrer là, l'ampleur, les salariés qui se présentent à l'assurance emploi pour la première fois, on ne parle pas des chômeurs là, récurrents là, ou qui sont là depuis plusieurs mois, on parle de pour la première fois, ils furent au nombre de 439 000 pour la seule semaine dernière. C'est le chiffre le plus élevé depuis plus d'un an et les chiffres qui remontent à avril 2011 pour avoir un tel nombre. Ouais, c'est cool. Alors qu'on nous disait en avril 2011 que les choses ne pourraient qu'aller mieux. Qu'aller mieux, c'est ça. Juste se faire un petit lien avec la conférence d'Éric Pinault ce matin, lui, il disait que de plus en plus, les gens utilisent leur carte de crédit pour faire la transition entre deux emplois. Leur marge de crédit, c'est quand même incroyable. La pauvreté, maintenant, c'est, ça ne va pas mieux de ce côté-là non plus. Bien, la pauvreté, je pense que tous les jours, de plus en plus de familles sont carrément éjectées de la classe moyenne. La pauvreté affecte près de 50 millions de personnes, soit 3 millions de plus qu'il y a 3 ans. Je me souviens d'avoir fait une chronique ici oui. même à l'émission, et j'ai encore le chiffre en tête, le fameux 47 000, puis qui m'était resté en tête depuis. Oui. Et là, maintenant, on apprend qu'il y a tout près de 50 millions de personnes. C'est incroyable. Oui. oui. Et un des indices extrêmement révélateurs de la situation au niveau de la pauvreté, c'est la hausse phénoménale du recours aux fameux food stamps. Peut-être nous rappeler ce que c'est les food oui. stamps. Alors, les food stamps, c'est des tickets d'alimentation, des coupons, en fait, qui permettent aux gens, notamment aux enfants, parce que en distribuant des tickets alimentaires, les gens ne peuvent qu'acheter de la nourriture. Et avec ça, ben, on est à peu près certain que les enfants vont avoir de quoi se mettre sous la dent. Ouais. Mais le de quoi en question, là, faut se questionner. Parce que, d'une part, le nombre de gens qui, juste depuis un mois, se sont ajoutés à la liste de ceux qui ont recours aux tickets alimentaires. Et quand on a recours aux tickets alimentaires, c'est qu'on n'a plus aucun autre moyen de manger. Alors, il y a 47 millions, c'est un total de 47 millions, mais juste depuis un mois, il y a 1,5 million de personnes qui se sont ajoutées aux 47 millions-là. Ouais. Ça rappelle un peu, et ça veut peut-être, vous savez, si on se rapporte à la crise des années 30... Oui, les fameuses files qu'on les fameuses files devant les soupes populaires. Bien, effectivement, le fait de distribuer des tickets alimentaires... Ouais, ça empêche ça empêche de visualiser ces queues de personnes qui auraient recours à des centres de soupes populaires. Ouais. Et ça cache un peu la pauvreté. Mais ces fameux tickets-là nous permettent de manger par jour avec... $4,30. Ah, c'est pour ça que vous parliez de santé. On parlait avec Dominique Bernier tantôt des Amis de la Terre, là, mais il y a la qualité de l'alimentation aussi. Alors, hein, avec $4,30, tu ne peux pas avoir une alimentation non. de qualité, c'est impossible. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, j'ai appris dans un bulletin, je pense, qui venait des États-Unis, on apprend qu'un maire d'une ville américaine va tenter cette semaine de passer toute une semaine avec $4,30 par jour. Il va se nourrir avec $4,30 et il va témoigner à la fin de la semaine. Ouais, ouais. Alors ça, je pense que c'est important de voir quelqu'un ça qui... Ça avait été fait au Québec, ça, l'an passé, je crois, je ne me rappelle plus trop, là. Quelqu'un qui avait fait ça, effectivement, mais avec un montant très... de l'aide sociale, en tout cas, pendant un certain temps. Là. Oui, oui. Mais alors là, je ne sais pas comment ça... comment on peut se nourrir avec $4,30. C'est incroyable. Voilà. Parlons des indices boursiers maintenant. Ah ben, les indices boursiers, depuis l'élection d'Obama, là, ils sont en chute de 5%, en gros. Et certains évoquent, même de ces jours-ci, là, des ventes paniques à l'approche de la fameuse falaise fiscale. Oui, parlons-en de cette falaise fiscale. Oui, qu'est-ce quelques que mots c'est? Seulement, parce que c'est un problème juste pour expliquer assez un peu complexe. Ce que c'est, Mais c'est quand même relativement simple à cerner. Les Américains ont voté, il y a quelques années, une loi selon laquelle, s'il n'y a pas d'entente pour une réforme fiscale, le 31 décembre prochain, le 1er janvier, cette loi prévoit automatiquement ceci, c'est qu'il va y avoir une hausse automatique de 2% d'impôts pour tout le monde. Mais ça, c'est accompagné de coupures massives dans plus de 1000 programmes qui touchent aussi bien les dépenses militaires que l'aide aux plus démunis. on pleurera pas si on baisse les dépenses militaires. Non, c'est certain, mais par contre, l'aide aux plus démunis, voilà. Toutes sortes de programmes qui font avancer la société voilà. américaine. Exactement. Mais les conséquences d'une telle mise en vigueur, je sais pas, on peut pas parler de mise en vigueur, mais si on laisse passer le 31 ouais. décembre, ben, et aussitôt que c'est en vigueur, ça, on peut tomber dans une situation de récession. Ouais. Et de récession importante, là. Et on peut se retrouver dans la situation de certains pays européens. Oui, parlons de l'activité économique, justement. Alors, l'activité économique dans tout ça, le tableau, en fait, est assez noir partout. Mais là. Oui. Les derniers chiffres nous montrent une économie qui ralentit fortement. Souvent, on va employer le mot « fortement » quand il va y avoir devant le mot « en hausse ». Mais là, c'est un ralentissement assez important. Et cette activité est particulièrement fragilisée dans les secteurs qui sont affectés par la super tempête ouais. là, Sandy. Et ça risque de se reproduire, semble-t-il, ces tempêtes-là, de plus en plus. Donc, ça annonce rien de trop bon. Non. Ce qui n'arrange rien, c'est la dette du gouvernement, finalement, qui vient dans tous ces aspects négatifs. Alors là, on atteint des chiffres astronomiques. Le budget fédéral américain accuse un déficit de l'ordre de 120 milliards pour le mois d'octobre seulement. Donc, augmentation du déficit en un mois de 120 milliards. Le total annuel de plus de 900 milliards, on prévoit là que à la fin de l'année, on va toucher quelque chose comme 1000 milliards de dollars en un an d'accroissement de la dette. L'accroissement de la dette, c'est incroyable. Ouais. Alors, on se demande, on peut se demander quand les Américains vont se rendre compte qu'il leur en coûte un peu cher d'être un empire, puis qui se comporte comme les gendarmes de la planète. Oui, effectivement. Alors, on peut imaginer le coût là, des 800 bases militaires américaines autour de la planète. Ça doit être incroyable, une fortune. C'est ça, c'est... La situation en Europe, maintenant, ça aide pas vraiment l'économie américaine, ce qui se passe en Europe actuellement? Non, parce que tout est lié. Hein? Oui. Et la zone euro... Si on tient compte du fait qu'à toute fin pratique, la zone euro est officiellement de nouveau en récession, le chômage qui est à un taux record, dans certains, les chiffres font peur, là, dans certains pays, des manifestations de masse très importantes qui se déroulent tous les jours... Il me semble que les journaux nous donnent des photos à peu près quotidiennement là-dessus. Et donc, on peut voir la plus grande économie de la planète, hein, parce que l'économie européenne, c'est la plus grande économie de la planète qui implose littéralement sous nos yeux. Alors ça, c'est un facteur qui va accentuer le déclin de l'économie américaine. Alors, c'est cette situation-là, j'ai une citation que j'ai retrouvée hier d'un analyste ouais. qui se prononçait juste avant-hier. Il disait « Le bref répit que nous vivons tire à sa fin. La prochaine crise majeure est à nos portes. » Il n'y a pas de quoi être... être très optimiste. Vraiment pas. On va faire une brève pause et on va poursuivre sur ce tableau qui est malheureusement pessimiste, mais on va écouter un groupe qui s'appelle Hocus Pocus dans une chanson qui s'appelle « Rêve américain ». Yeah. Si mon son diverse, j'essaie d'en faire un maximum qui soit plus sédentaire. Même outre-Atlantique, les cons se fassent et d'en faire. Ce qui pèse, c'est franc qu'on en entend parler de New York jusqu'à San Fran. Cisco, Cisque, j'y arrive un jour, je me mets au disco. Chiche que ça se passe et je me fiche qu'on dise que je fabule, que je fonce au fiasco. Qu'on fasse confiance aux masses et aux flux fiscaux. C'est le rêve américain, en vérité, je tiens. Si je le mérite, j'en sais rien. S'il le mérite, non sérieux, c'est pas maintenant que j'irai croquer la grosse pomme. Autre chose à foutre que de marcher du chemin. C'est le rêve américain, en vérité j'y tiens. Si je le mérite, j'en sais rien. S'il le mérite, non sérieux, c'est pas maintenant que j'irai croquer la grosse pomme. Autre chose à foutre que de marcher du chemin. Comme style et nous le sens, j'ai de l'absence de fond, se fait oublier par l'accent, c'est vexant. Seulement chez nous les mecs en texte sensé sont excentriques sans ça. Ils cessent, j'en sais quelque chose. Ici c'est pas les USA. Maintenant je t'ai eu et c'est stoppé ça. Mais laisse couler si t'apprécies. Voilà un extrait peu précis de ce que j'ai écrit au réveil du rêve américain. En vérité j'y tiens. Si je le mérite, j'en sais rien. S'il le mérite, non sérieux, c'est pas maintenant que j'irai croquer la grosse pomme. Autre chose à foutre que de marcher du chemin. Le rêve américain, en vérité j'y tiens. Si je le mérite, j'en sais rien. S'il le mérite, non sérieux, c'est pas maintenant que j'irai croquer la grosse pomme. Autre chose à foutre que de marcher du chewing gum. Voilà, c'était Hocus Pocus dans la chanson Rêve américain. Robert, si nous poursuivons allant du côté cette fois de la répartition des richesses, certains mythes qui ont la vie dure concernant cette répartition de la richesse. Il y avait une ce matin sur le journal, dans le journal Le Devoir, qui est fort intéressante, qui est fort à propos justement avec ce que vous nous donnez comme statistique. Là, comme oui, ben, je pense que ça vaut vraiment la peine que nos de se procurer Le Devoir de ce matin, oui. Parce que l'article est hyper intéressant et en même temps plein d'enseignements et de démystification. Les politiciens de droite au Québec ont l'habitude de nous comparer aux Américains en prenant ceux-ci comme modèle. Alors, voyons ce que une enquête vient de révéler, les chiffres, qui sont présentés par Pierre Fortin, un économiste... On peut pas qualifier de gauche. Absolument pas. Et c'est même surprenant de voir Pierre Fortin faire des commentaires comme ceux qu'il fait. Mais je pense qu'il a été obligé de se rendre à l'évidence en voyant les chiffres. Ce que ça nous dit, c'est que au Québec, l'enrichissement profite à tous. Faut quand même mettre un bémol là. On dit pas qu'au Québec tout est parfait, loin de là, mais on dit mais que on se compare, si on se compare à ce moment-là, on peut drôlement se consoler. Oui. Parce que aux États-Unis, la création de la richesse ne profite qu'aux mieux nantis. Alors voyons juste quelques chiffres. Oui, on l'a d'ailleurs là, les oui. personnes riches. Là. Alors j'ai ça dans Le Devoir de ce matin là. Ah oui. Attendez un petit peu. Oui. Alors, c'est Pierre Fortin qui parle. Il dit, au Québec, l'égalité des classes sociales est un objectif qui est partagé de façon beaucoup plus profonde par l'ensemble de la population que dans le reste de l'Amérique du Nord. Et l'article du Devoir continue. On peut le voir, selon lui, à la proportion de la rémunération totale accaparée par le 1% des plus riches. Alors, toute la rémunération des plus riches aux États-Unis s'élevait à 24% de la, aux États-Unis. Total, ouais, du total de la richesse, c'est ça? Du total des revenus. Des revenus, pardon. Des revenus, oui. Pas de la richesse, des revenus. Des revenus. C'est juste pour comparer là, ce qui entre annuellement dans nos poches. Oui. Okay? Alors donc, 1% aux États-Unis accapare 24% des revenus. Au Canada, 1% des plus riches accaparent 14%. C'est déjà beaucoup moins qu'aux États-Unis. Oui, donc, c'est une grande différence. Tout à fait. Et au Québec, c'est le 1% ne contrôle ou reçoit que 7%. C'est beaucoup, beaucoup moins qu'aux États-Unis et la moitié de ce qui se passe au Canada. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est comme facteur de cette répartition des richesses, on nous montre le taux de syndicalisation. Ouais. Alors, le taux de syndicalisation aux États-Unis, dans les années 60, était à 30 %. Il est à 10 % maintenant. Méchante descente. Oui. Alors, je pense qu'on est capable de comparer les deux tableaux, ouais, puis on voit ouais. qu'il y a une proportionnelle ouais. là-dedans. Alors, donc, et au Canada... Au Québec, on est passé de 30% dans les années 60 à plus de 40% et dans les années 80, 70, 80, et ça s'est maintenu à 40%. On est encore à ce niveau-là. Alors, l'explication est la suivante, c'est que quand des syndiqués organisés provoquent ou obtiennent des augmentations de salaire, on s'aperçoit que ça profite à l'ensemble de la population. Tout à fait. Parce que, comme dit Fortin, ça influence les secteurs non syndiqués parce que tout le monde finit par être en concurrence pour attirer et retenir les travailleurs. Donc ça, ça fait longtemps qu'on le dit à gauche, mais quand les chiffres viennent le confirmer d'une façon aussi évidente... Surtout par Pierre Fortin. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'autres éléments dans l'article, mais je pense que ça vaut la peine, que les gens en passant, soit se procurer le journal ou aller voir sur le site du journal Le Devoir. Voilà. Justement, parlant de concentration de richesses, si au moins c'était des entrepreneurs, d'après ce que je peux comprendre de vos chiffres, c'est pas le cas, là, c'est pas les entrepreneurs qui concentrent la richesse? Non. Voilà. Quand on parle des plus riches, souvent la droite va nous dire « Ben oui, mais il faut pas trop les taxer, c'est eux qui sont créateurs d'emplois parce que ce sont des entrepreneurs. » Alors, voici les chiffres maintenant. Là, je parle des États-Unis, mais quand même, c'est une proportion qui peut se ressembler. Qui serait intéressant de comparer avec ici, mais... Oui, mais aux États-Unis, qui est quand même la locomotive, là, seulement 3% des personnes très riches sont des entrepreneurs. Donc, ça veut dire que 97% des gens très riches, là, qui sont vraiment en haut de l'échelle, ces gens-là ne créent pas d'emplois. Non, c'est la spéculation. C'est de la spéculation, c'est des placements, c'est de l'économie virtuelle. Donc, quand on dit qu'on taxe ces gens-là, on ne provoque absolument rien du côté de l'emploi. Mais non, c'est... Mais la droite se plaît beaucoup de répéter ces mythes. Oui. Là, il y a un autre aspect qui nous touche beaucoup à Attaque Québec, c'est la question des paradis fiscaux. Ce qu'on voit, c'est qu'au moins la moitié, un montant égal à la moitié du PIB américain est aux mains d'Américains qui ont leur fortune dans des paradis fiscaux. Effectivement. C'est absolument incroyable. Faut quasiment le répéter, hein, la moitié du PIB américain. Alors, ces gens-là, leur argent n'est pas aux États-Unis. Il est dans les paradis fiscaux et ça se traduit par une perte nette de 260 milliards par année pour le fisc américain. Oui, c'est énorme. J'appelle ça un crime social et économique. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le 260 milliards par année en manque pour le fisc américain, ou le fisc canadien, ou le fisc québécois, c'est de l'impôt qui doit être payé par la classe moyenne. Oui, effectivement, vous avez raison. Parce que la classe moyenne n'est pas dans les paradis fiscaux. Oui. Parlez-nous des déductions fiscales maintenant. Oui, alors c'est intéressant parce que des économistes viennent de découvrir qu'en faisant des calculs tout simplement de comparaison, on dit que toutes les déductions fiscales faites au profit des riches actuellement, puis Dieu sait s'il y en a, on pourrait faire une émission juste sur la liste des déductions fiscales pour les riches. Alors, si on enlevait ces déductions fiscales, autrement dit, si on traitait les riches comme tout le monde, comme nous, c'est ça. On effacerait aux États-Unis d'un coup 100% du déficit. Ah, c'est incroyable. Alors, si c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour nous. Ça pourrait être vrai pour d'autres pays. Ben oui, ça pourrait être vrai pour nous. Il reste un dernier élément un peu que je trouve personnellement un peu triste là, de votre tableau, c'est les jeunes de 21 à 35 ans. Oui, alors là, si on se réfère aux chiffres de 1984, donc 84, c'est même pas 30 ans. Les chiffres de 84, le revenu des 21 à 35 ans par rapport à aujourd'hui, le revenu aujourd'hui en dollars constants a baissé de 68 %. Donc, les deux tiers de ce que les jeunes gagnaient en 84 ouais. sont disparus. Ouais. Le revenu médian des jeunes de 21 à 35, là, c'est 4 000 $. Aïe, aïe, aïe, c'est pas beaucoup, mais il y a un lien avec l'endettement. Alors, si on pense aux étudiants en particulier, ouais. La dette moyenne étudiante s'élève à 27 200 $. Il y a certains analystes qui nous prévoient d'ailleurs, qui prévoient que la prochaine bulle qui va éclater après la bulle immobilière de 2007-2008, bulle, ce serait la dette étudiante. Ouais. On voit toute l'importance, on va terminer là-dessus, Robert, on voit toute l'importance des luttes que le mouvement étudiant a menées pour empêcher justement l'augmentation des frais de scolarité ici. Mais aux États-Unis, ça n'a rien à voir, là. Les frais sont beaucoup plus élevés qu'ici. Là. Non. Ouais. Bien, merci beaucoup, Robert, pour cette chronique fort instructive. Oui. Malgré le pessimisme, ça aide à comprendre, ça aide à se comparer et ça aide à voir qu'on est quand même donc mieux ici qu'aux États-Unis. Il y a encore du chemin à faire, mais on est mieux ici que parce qu'on a justement des politiques plus égalitaires. Ben, en fait, quand on donne des chiffres comme ça, le contraire, ce serait de, comme dirait le député Gérard Deltel, mettre la tête dans l'autruche. Merci, Robert. À la prochaine. On écoute une petite pièce musicale et on revient avec ce qui est à voir, ce qui est à cette semaine à Québec. Un abonnement au Musée de la Civilisation, un cadeau original à s'offrir ou à offrir. Abonnez-vous d'ici le 31 décembre et courez la chance de gagner de fabuleux prix d'une valeur de 1 000 $. Déjà abonné? Vous êtes également éligible. Le Musée de la Civilisation, un lieu d'émerveillement et une programmation colossale. Du Japon au Nigeria, de la culture maori à celle du Québec, une expérience immersive dans l'histoire des jeux vidéo et des objets de collection exceptionnels. Pour connaître tous les privilèges de vous abonner au Musée de la Civilisation ainsi que tous les détails du concours, rendez-vous au mcq.org/abonnement. Conte de fées coquins, un spectacle unique présenté le samedi 15 décembre à 19h au Studio P 280 rue Saint-Joseph-Est.